revient à l'esprit. Tes yeux, ton regard m'entraînent vers la foule. Et la foule, on s'en fout, puisqu'on s'aime notre amour. Puisqu'on s'aime notre amour. Vire voletant dans tes bras, sur ta peau tes bras m'entraînent pour une danse, et le reste on s'en fout, puisqu'en somme c'est de l'amour. Puisqu'en somme c'est de l'amour. Je te suis pas à pas, envoûté, la spirale m'entraîne dans une transe, et de la mort on se fout, puisqu'on s'aime notre amour. Puisqu'on s'aime notre amour. Lentement l'amour se fait entre nos corps, ta bouche m'entraîne vers l'extase, et le temps on s'en fout, puisqu'on s'aime.